Vous pensez que Canadian Tire, c'est des outils, de la quincaillerie, de la peinture, du saisonnier. Mais nous avons aussi une multitude d'équipements sportifs offerts à très bon prix. Surveillez notre circulaire tous les jeudis pour en savoir davantage. Canadian Tire, commanditaire de l'équipe olympique canadienne. 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini. 418-276-2385 ou canadiantire.ca. Le propriétaire Ken Bennett souhaite la meilleure des chances à Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bradette aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Pendant les Jeux olympiques, Dolbeau Auto est en mode olympique avec des spéciaux dignes de la médaille d'or. Le Silverado, 0% sur 72 mois ou encore le Sierra, 98$ par semaine pendant 48 mois. Dolbeau Auto, 1770 Boulevard Walberg, Dolbeau-Mistassini au 418-276-0580. Le propriétaire, M. Stéphane Fortin et toute son équipe souhaitent la meilleure des chances à Marianne Saint-Gelais et à Cassandra Bradette pour les Jeux de Pyeongchang. On va parler des Saguenay-Lac-Coutimi avec notre ami Jonathan Hudon du quotidien qu'on va pouvoir entendre tous les mardis. Je suis bien content de l'avoir. Salut Jonathan! Oui, salut Danny. Jonathan, quelle histoire. J'en parlais avec Marc Diquet samedi. Quelle histoire. C'est... Écoute, là, il y a des gens qui pensent au complot, mais pour avoir des subventions, puis c'était comme stagé, mais quelle merde que ça donne. Hein. Écoute, là, c'est... là, on parlait des Saguenayens. Dans les médias, on parlait des Saguenayens, mais ça va loin. Ça va au junior régional, ça va au midget régional, ça va dans les ligues d'adultes, patinage artistique, patinage de vitesse... Patinage libre, c'est, écoute, là, ça doit être tout qu'un bordel pour les amphithéâtres, là. Une arène de moins. Ah, c'est sûr, Danny. Ben, les plus, moi, je pense que les plus grands touchés, à part les Saguenay-Chicoutimi, bien sûr, avec tous leurs bureaux administratifs, leurs installations, les plus touchés, ça demeure le patinage de vitesse courte piste, les Comètes de Chicoutimi et le Centre Marc-Gagnon. Eux aussi ont des bureaux et ont des installations assez importantes au Centre Georges Vézina. On parle de 35 heures par semaine là, à patinage de vitesse courte piste avec les Comètes, Centre Marc-Gagnon, le sport études. Donc, c'est sûr que eux, ils se retrouvent les culottes à terre là, littéralement parce qu'ils ont, y a pas d'autres anneaux olympiques courte piste dans la région. Donc là, pour eux, là, c'est problématique. Puis Monsieur Simard là, de l'association régionale de patinage de vitesse courte piste, Christian Simard, il disait que c'est on est sont comme dans le crunch de la saison pour se préparer en vue des compétitions nationales là, qui s'en viennent au mois de mars. Donc, eux, pour eux, là, ça stoppe toute la progression. Mais oui, effectivement, comme tu le dis, c'est toute une bombe là, qui a explosé. Ça a commencé à trembler un petit peu là, en milieu d'après-midi vendredi, puis ça s'est confirmé en fin de journée. Mais c'est ceux qui crient au complot, là, ça... En tout cas, c'est un peu spécial de penser que ça pourrait être arrangé parce que c'est sûr que José Néron ne s'attendait pas à ça. Non, pas du tout. Puis ça va être tout qu'un chiot. C'est tout qu'un chiot. Jonathan, je sais pas si c'est ta conférence de presse, je sais que c'est Joanne Saint-Pierre qui écrit hier, mais tu l'as lu certainement. De ton pif, on se dirige-tu vers l'amphithéâtre? Je peux pas croire qu'on va réparer quelque chose qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Quand tu vas ouvrir le toit, qu'est-ce qui va arriver? C'est pas grave. Puis la structure de base va rester la même si on décide de faire une énorme rénovation, là, même si ça pourrait faire du bien puis pourrait faire un très bon résultat avec ça, mais ça a quand même été commencé à être construit en 1947, là, par 70 ans, cette bâtisse-là. Donc, je pense que une région comme la nôtre, là, pas juste Chicoutimi ou pas juste le Saguenay, là, c'est le Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est pour toute une grande région, là, je pense que ça prend un amphithéâtre digne de ce nom, là, avec des installations qui aux normes, à la fine pointe de la technologie, parce que là, le Centre Jésus-Christ est limité pour l'instant. Puis là, avec ce qui vient d'arriver, c'est sûr que ça nous questionne, par exemple, sans dire qu'il y a eu un complot, là, on peut se permettre de croire ce qui s'est passé au fil des années. Qu'est-ce que l'ancienne administration s'est fait dire, tu sais, est-ce que. Parce que là, ça peut pas. Le jeudi, on en parlait mardi passé, Danny, du plafond de Saint-Georges-Vézina qui était fragile, mais on s'attendait pas quelques jours plus tard à se faire dire que le Saint-Georges-Vézina devait être fermé pour procéder à des analyses plus poussées. Là, c'est fort là, de dire que le Saint-Georges est inaccessible. Là, ouais. La game des Saguenayens, il y a une game des Saguenayens qui datait pas plus tard que l'autre semaine d'avant. Puis là, une semaine plus tard, on apprend qu'on n'a plus le droit de mettre les pieds là pour une question de sécurité. Je suis allé prendre des photos, mon collègue Roquette Lavoie est allé prendre des photos le vendredi après-midi, puis j'étais avec lui dans le centre Georges Vézina à 4h. Mm-hmm. Puis à 6h, ben on n'avait plus le droit de mettre les pieds là. Donc c'est sûr que c'est assez phénoménal. Là. Des événements c'est des événements peut-être qui auraient pu être évités selon moi. Je suis pas dans le secret des dieux, c'est mon feeling personnel. Je serais bien curieux de savoir qu'est-ce que l'administration s'est fait dire à propos du centre Georges Vézina, centre Georges Vézina, dis-je bien à l'époque, parce que ça date pas d'hier que le centre que le droit est fragile. Donc, c'est ça que j'ai posé la question à Michel Tifot hier. J'ai dit c'est sûr que Michel n'était pas là. Sauf que Michel, au mois d'août, il n'y a pas personne qui l'a vu venir, celui-là. Là. Puis surtout qu'on prévoyait un bel hiver. Là. Il y a personne qui examinait toi au mois d'août. C'est la question que je me pose, moi. Ouais, c'est ça. Ben, c'est sûr que. Tu sais, s'il arrive quoi, s'il y a une grosse tempête. Hey, juste te donner une idée, pour vous donner, je sais pas si je l'ai dit en nom, juste pour vous donner une idée, Jonathan, Phil DeGaine disait off the record que Éric Fichaud, quand on l'a honoré le 20 janvier, il a fallu que ça a pris 4 semaines, j'assais peut-être cette information-là, 4 semaines de la part des ingénieurs pour avoir le hockey pour mettre un fanion en haut du plafond. 4 semaines! Ouais, c'est ça qu'il écrivait dans sa chronique hebdomadaire dans le quotidien là, de mardi. Ouais. C'est une information que moi-même, j'ai pas pris le temps de vérifier, ou peut-être ça doit être vrai, là, si Phil écrit pas n'importe quoi. Donc c'est quelque chose, là. une bannière, en plus, ça pèse pas... Une dizaine de livres, peut-être, maximum? Ou, tu sais, mettons qu'on... Ah, exact. 10 livres, c'est un gros maximum qu'on peut dire. Donc, non, c'est ça. Puis, il n'y a plus de spectacle au Centre Vézina parce qu'il n'y a plus de... On ne peut plus installer des jeux de lumière. Donc, ça empêche des spectacles d'envergure d'être présentés. Donc, bon, je pense qu'on est rendu à un point de non-retour, là. Non, quelque chose d'important. Puis, Jonathan, sur la glace, ça va donner quoi? On parlait des sports. C'est complètement différent. Hein? Ouais, mais il faut pas oublier que les Saguenayens jouent à l'étranger. Ils jouent à l'étranger. Sur des patinoires, à l'étranger. Des patinoires réglementaires. Là. Fait qu'il faut pas virer fou avec ça, comme on dit. Là, parce que ça devrait être. Honnêtement, moi, j'ai hâte de voir. Parce que ça devrait donner. Ouais, puis, ils ont déjà été au Palais des Sports plusieurs fois pour ça. Là. Ça se peut. Honnêtement, je pourrais pas dire, mais ça fait un certain moment là, que ça a pas eu lieu. Moi, de mémoire, je suis pas très vieux, là. J'ai pas encore 30 ans. Même pas bel âge encore. T'es encore dans la pré-bel âge. Fait que... Ouais, c'est ça. Mais bref, pour en revenir aux Saguenayens, ça va bien. Je pense que ça va être le fun de voir les Saguenayens évoluer au Palais des Sports de Jonquière, dans un amphithéâtre. Un bel aréna, honnêtement, ils ont un superbe de bel aréna, Jonquière, là, on est près de l'action, puis ça va faire des bonnes foules en plus, mais je veux pas, il va y avoir des bonnes assistances. Dimanche, quand les remports, il pourra avoir une. Ah ouais, puis le match est à TVA Sport aussi. Le match est à TVA Sport. Fait que. Non, je pense pas. Non, parce qu'il était ciselé à TVA Sport. Voilà, au départ, il était diffusé à TVA Sport, mais ils ont décidé d'en prendre un autre. Là, OK. Puisque je l'ai vu dans le guide d'oreille. Mais je pense que c'est ça, ça a été. Ils ont ajusté pour pas que justement, là, peut-être que côté logistique de caméra, ils ont décidé de modifier ça, là. Mais c'est ça, ça va être de jouer devant des bonnes foules probablement. Il va avoir une bonne ambiance, une bonne atmosphère. Puis tu sais, pour Yannick Jean et les Saguenay, faut pas tout chambarder du tout au tout. Là. On avait comme semi deux plans de match, deux systèmes de jeu pour jouer à la maison, jouer sur la route, puis jouer sur une glace réglementaire, comme on vient de jouer leurs trois dernières rencontres dans les Maritimes. Les Saguenayens se débrouillent bien quand même à l'étranger cette saison. Puis, on se cachera pas, les Saguenayens, c'est pas l'équipe la plus talentueuse cette saison. Avec une équipe peut-être pas la plus talentueuse, jouer sur une grande glace, des fois ça peut s'avérer un petit peu plus difficile. Tandis que là, ben avec une équipe de travaillants sur une glace plus petite, ça pourrait ça va donner lieu à du jeu intéressant. On va voir. On verra bien. Les Saguenay devront s'habituer parce que honnêtement, je ne sais pas si on va. Je pense que c'est terminé. Moi, je pense qu'on a dit ça 3 semaines là, pour pas écœurer, pour pas arrêter dans une couple de semaines. On va faire ça. Allez, Jonathan, en terminant, c'est incroyable, pareil, comment des gardes de clochers existent. Apparemment, qu'il y a du monde de Chicoutimi qui ne veut pas aller à Jonquière. Ouais, ben ça, c'est encore des esprits de clocher, là. Hey, c'est incroyable. Hier, comme... D'ailleurs, hein? Hier soir, moi, hier soir, ma lecture de nuit, là, avant de faire dodo, c'était, j'en regardais sur le Facebook des Saguenayens, puis il y en a qui disaient que certaines personnes disaient « Je veux rien savoir de Jonquière ». Ça, il faut le faire. C'est la même ville! Ah ouais, puis c'est à 15 minutes, là. Tu t'embarques sur l'autoroute 110, puis tu fais un petit 15 minutes de route, puis t'es rendu. Mais ça, c'est malheureux, mais des esprits de clocher, ça demeure encore. Des rivalités entre Chicoutimi-Labbé, Chicoutimi-Jonquière, Labbé-Jonquière, ça demeure. C'est un peu comme Dolbeau-Mississigny ici. C'est un peu comme Dolbeau-Mississigny ici. Deux villes, complètement, c'est deux villes, mais ça va prendre des générations avant de s'en remettre. Jonathan, ouais, c'est ça. Merci beaucoup. On s'en reparle mardi prochain. Tu vas nous parler du Palais des Sports, ta première expérience. Oui, absolument. Au plaisir, Danny. Jonathan Hudon du Journal Le Quotidien.